Chapitre 32e. L'hôtel que le marquis de Lucilière habitait rue de Courcelles avait été bâti en 1862-1863 sur un terrain qui appartenait aux Lucilières dès le XVIIe siècle. Avant les expropriations qui ont bouleversé ce quartier, ce terrain faisait partie de vastes jardins au milieu desquels un bel hôtel avait été élevé sous la régence pour l'aïeul du marquis. Mais lorsqu'on avait ouvert les boulevards et les avenues qui ont si profondément modifié les environs du parc Monceau, l'hôtel avait été emporté, et ce qui restait de ces jardins dénudés s'était couvert de constructions appropriées à la vie telle qu'on la comprend aujourd'hui. Le marquis, qui cherchait dans tout et partout matière à spéculation, avait trouvé une affaire superbe dans cette expropriation, et s'était arrangé pour en tirer tout le profit possible. Après s'être fait payer ses terrains fort chers, il s'était fait donner en place de son vieil hôtel, dont il avait vendu lui-même l'ameublement et les matériaux, un hôtel neuf. Au point de vue spéculatif, l'affaire avait donc été excellente, mais, par contre, au point de vue du confort et de l'agrément, elle avait été détestable. Plus de beaux arbres, plus de gazon, plus de verdure, plus de grottes, de kiosques, de ruines datant de Carmontel, plus de vastes dépendances pour les gens de service. Un boulevard avait pris les jardins et sur ce qui restait de terrain, on avait construit 10 ou 12 hôtels qui couvraient un espace superficiel moins grand que celui qu'ils remplaçaient. L'hôtel que le marquis de Lucilière s'était fait ainsi livrer, clé en main, par la société qui avait entrepris l'exploitation de ces terrains, pouvait passer pour un modèle du genre d'architecture que la postérité désignera, avec toute justice, du nom de Napoléon III, s'il n'est pas ingrate pour cet empereur de la truelle. L'espace se trouvant restreint par suite du prix d'acquisition des terrains, on avait commencé les économies par la suppression de tout ce qui n'était pas strictement indispensable. Ainsi, pas de cour en façade, mais l'hôtel bâti directement sur la rue et ouvrant sur le trottoir sa porte cochère en chêne, ornée d'applications de marbre vert et d'acier nickelé. Sur un soubassement en pierre taillé à bossage dans le genre florentin, s'élevait un rez-de-chaussée de style néo-grec, surmonté d'un premier étage qui rappelle la Renaissance. Et pour couronner le tout, se dresse un immense couvercle carré à 4 pans, percé de mansarde, avec des ouvrages en plomb repoussés pour orner des arêtes. Tous les goûts, le bon excepté, peuvent donc trouver des sujets de satisfaction dans cet édifice incohérent, où l'on a rapproché les styles, sans les souder les uns aux autres. Bien que construit d'après un système d'économie qui a fait sacrifier dans son plan général le bien-être et dans son exécution la solidité, il présente cependant sur la rue une façade d'une richesse de décoration qui bat jusqu'à la folie. Partout où l'on a pu, tant bien que mal, placer une sculpture, la pierre a été fouillée. Partout où l'on a pu accrocher un ornement, on a choisi le plus voyant, le plus fleuri, celui qui devait produire le plus d'effet. Le règne végétal, le règne animal, femme nue, amour, arbres, fleurs, fruits, tout a été mis à contribution. Les corniches sont des plates-bandes de jardins potagers, les tympans des corbeilles de fleurs. Les cariatides, qui soutiennent les balcons ou les écussons, semblent s'être déshabillés pour le passant et n'être là que pour lui faire de l'œil. Pas un fer qui n'ait été doré. Appui de fenêtres, balcons saillants, tout resplendit et flamboie, c'est une chasse. Le rez-de-chaussée était aménagé pour la vie mondaine, avec salon de réception, boudoir, salle à manger. Le premier pour la vie intime, avec appartement séparé pour le marquis et la marquise. Sous les combles habite, près de son précepteur, le jeune comte de Lucilière, un gamin de 10 ans, qu'on rencontre quelquefois dans les escaliers, mais qu'on n'a jamais vu à la table de ses pères et mères. Derrière l'hôtel, on a réservé une petite cour pavée, sur laquelle ouvrent les portes des écuries et des remises, de sorte que de la salle à manger, on a sous les yeux le spectacle des palefreniers et des cochers vaquant leur besogne, et que dans les jours de chaleur, malgré les soins de propreté qu'on peut prendre, on respire l'odeur âcre des écuries. Si la décoration extérieure est brillante, la décoration intérieure est bien entendu éblouissante. Et lorsqu'un jour de réception on entre pour la première fois dans le vestibule qui précède les salons, on est littéralement aveuglé. ce fut la sensation qu'éprouva le colonel Chamberlain lorsqu'il se rendit le samedi à l'invitation que lui avait adressée la marquise. Malgré lui, ses yeux se fermèrent. Dans le premier salon, il trouva le marquis qui se tenait là pour recevoir les convives et leur serrer la main. C'était un petit homme chétif et maigre, avec une forêt de cheveux blonds qui semblait lui charger la tête d'un poids trop lourd. Alerte cependant et vif, se soulevant sur la pointe des pieds pour parler, toujours en mouvement et en représentation. Le colonel, qui avait abordé avec un certain mépris ce petit animal à mine chafouine, comprit, après 2 minutes d'entretien, ce qu'il pouvait y avoir de séduction dans la politesse française lorsqu'elle est pratiquée par un homme de race. Et ce fut sous le charme de cette politesse et de cette bonne grâce qu'il s'éloigna pour aller saluer la marquise dans le grand salon. Déjà, la plupart des convives étaient arrivés, et dès la porte, d'un rapide coup d'œil, il en reconnut plusieurs. Le prince Mazzazzoli et sa nièce, le baron Lazarus et sa fille, puis quelques hommes qui avaient assisté au combat des rats. Devant la cheminée, la marquise était assise sur un canapé, vêtue d'une robe de satin bleu à traîne avec un pardessus de dentelle. Sur ses épaules resplendissaient des nœuds de brillants, et dans ses cheveux des étoiles de diamants. Elle reçut le colonel comme s'il eût été son ami depuis de longues années et le força à s'asseoir près d'elle. Prenait-il goût à la vie parisienne? Aurait-on le plaisir de le garder à Paris longtemps? Pourquoi pas toujours? Pendant 2 minutes, ce fut un bavardage charmant. Elle avait pour lui la sollicitude d'une sœur. Puis, 2 jeunes gens étant venus la saluer, elle leur confia le colonel. « Monsieur le capitaine de Maisonnel, monsieur le lieutenant Faron, » dit-elle en les présentant, « 2 de nos plus brillants officiers. Vous pourrez parler de bataille avec ces messieurs, colonel. » Puis, prenant la pose du général Boom en riant, « Vous savez, coupez et enveloppez, tout est là. » Sortant du cercle des canapés, le colonel gagna un angle du salon, suivi de ses 2 officiers, et pendant quelques minutes on parla bataille, comme disait la marquise, mais bientôt la conversation changea, et le capitaine aussi bien que le lieutenant, ne paraissant pas désireux de s'engager à fond dans la guerre d'Amérique. « J'ai bien regretté de n'avoir pu assister à votre concert, » dit le capitaine. « Tout le monde parle de votre succès, qui a été grand. » « Sans l'orchestre, les choses auraient assez bien marché, mais on ne peut pas s'entendre avec ces animaux de musiciens. » Il y avait un mouvement qu'il voulait prendre lentement, tandis que moi je voulais prendre plus vite. Ça a été une guerre dont vous ne pouvez pas vous faire l'idée. Et qui l'a emporté? Eux, parbleu! C'est votre conférence qui vous empêchait de venir? Précisément. Je parlais le lendemain, et j'avais des recherches à faire pour appuyer ma démonstration de quelques citations. D'ordinaire, vous savez, je parle d'abondance, et avec mon public, les faits certains. Mais je savais qu'il y aurait des journalistes dans la salle, et je tenais à ne pas m'aventurer à la légère. La mauvaise presse me fait une guerre déloyale, comme si notre œuvre n'était pas au-dessus des attaques des partis. Ramener les basses classes au respect de la foi et de la tradition. Le colonel écoutait avec stupéfaction, se demandant quels pouvaient être ces 2 brillants officiers, dont l'un parlait musique et l'autre conférence, lorsque Gaston de Pompéran, qui était arrivé depuis quelques instants, vint un point pour satisfaire sa curiosité. Quittant les 2 officiers qui continuèrent à s'entretenir de leur succès, ils revinrent dans le premier salon. « Eh bien, dit Gaston, vous avez fait la connaissance du lieutenant Faron. Talent énorme, vous savez. Depuis Paganini, il paraît qu'on n'a pas joué du violon comme lui. Quant à Maisonnel, il faut que vous l'entendiez. Je vous conduirai à l'une de ses conférences. Si nous avions seulement 100 officiers comme lui, la France, avant 10 ans, serait revenue dans le bon chemin. » La marquise me les avait présentés comme les plus brillants officiers de l'armée française. Je vois qu'elle s'est moquée de moi, mais pas du tout. Seulement, comme nous n'avons pas de guerre et comme nous n'en aurons pas de sitôt, il faut bien que les esprits intelligents trouvent à dépenser leurs forces et leur activité. À ce moment, le colonel entendit annoncer un nom qui l'empêcha d'écouter son ami. « Monsieur le comte Roblave !» avait crié le valet. Tournant aussitôt la tête vers la porte, il vit entrer un personnage qui marchait gravement, lourdement, le cou pris dans la cravate rouge de la Légion d'honneur comme dans un carcan. « Pourrez-vous me présenter au comte Roblave ? » demanda le colonel à son ami. « Parfaitement. Seulement, mon cher ami, permettez-moi de vous dire que c'est là une idée bizarre. Bien que le comte soit une puissance par sa position et sa fortune, on n'a avec lui que les relations qu'on est obligé d'avoir. Et pourquoi donc? Parce que c'est un vilain monsieur. Mes relations seront courtes, elles se borneront à quelques questions. Répondra-t-il? Sous cette forme de phoque se cache un esprit retour et délié. La façon dont il est devenu sénateur vous le prouvera. Si américain que vous soyez, vous devez savoir que l'empereur avait pour conseiller intime le baron Colomieux. La grande faiblesse de Colomieux, qui au fond était un brave homme, consistait à croire qu'il était un écrivain. Et en conséquence, il passait le temps qu'il avait de libre à faire des comédies, des vers et des romans exécrables. Un jour qu'il avait appelé un éditeur pour lui vendre un de ses romans, Roqueblave, qui n'était alors qu'une puissance financière, arrive au moment où Colomieux allait commencer la lecture du chapitre sur lequel il comptait pour enlever son éditeur. Roqueblave demande comme une grâce d'assister à la lecture. Colomieux, qui n'avait pas tous les jours un public, accorde cette grâce et commence. À la 10e page, Roqueblave soupire, à la 20e il pleure, à la 30e il éclate en sanglots. En voyant cette émotion d'un vieux dur à cuire comme Roqueblave, l'éditeur est ému à son tour et paye le volume comme s'il eût été signé par un homme de talent. Il en vend difficilement 150 exemplaires, mais l'émotion de Roqueblave est récompensée. 2 mois après, il est nommé sénateur. Comme Pompéron achevait ce récit, une porte s'ouvrit à 2 battants et un superbe maître d'hôtel, majestueux et décoratif, annonça que madame la marquise était servie.